إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc inshallah ta'ala la lecture du poème du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Nasi'di rahimahullahu ta'ala intitulé As-Sairu ila Allah wa ad-Dar al-Akhirah, le cheminement vers Allah et la demeure dernière. On a vu dans le cours d'hier les cinq premières étapes de celui qui souhaite cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre le paradis. La dernière étape que l'on a vue était celle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que l'amour, le réel amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se manifestait chez la personne dans ses paroles, dans ses actes et dans son cœur. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit: "Wa humu alladhina aktharu min dhikrihi fi sirri wal i'lani wal ahyani." Et ils sont ceux, c'est-à-dire les bienheureux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont ceux qui font son rappel abondamment, qui font beaucoup de dhikr, en secret et en public et à chaque moment, c'est-à-dire en toute situation. Qu'il soit seul ou devant les gens, il multiplie le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il ne se limite pas au dhikr avec la langue, mais il est de trois sortes. La première sorte, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue. Il y a celui qui est restreint à un certain moment, comme les adhkar du matin et du soir, les adhkar après les prières obligatoires, et ainsi de suite. Et celui qui est légiféré de manière absolue, qui n'est pas restreint par des temps particuliers, comme le tasbih, le fait de dire subhanallah, ou alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et ce, à tout moment de la journée. C'est légiféré, sans aucun temps particulier, mais on peut le faire à tout moment. Ceci est la première forme de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la première qui nous vient en tête lorsqu'on mentionne le fait d'évoquer fréquemment Allah. La deuxième sorte, c'est le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala avec ses membres, avec son corps. Et ceci englobe tout acte par lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant en cela la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes une aumône, ceci est une forme de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé la prière rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salah min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah. Oh vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour de vendredi, accourez au rappel d'Allah, à l'évocation d'Allah. Donc on voit que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé à la prière comment? Rappel d'Allah. Donc la prière, c'est une des plus grandes formes de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'ensemble des actes d'adoration que tu accomplis pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce même dans ton comportement, dans tes relations avec les gens, ta manière de te comporter avec tes parents, ta manière de te comporter avec tes enfants, ta manière de te comporter avec ton conjoint, et ainsi de suite. Tout ceci rentre dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu as en cela une bonne intention et que tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième forme de dhikr, la troisième forme de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te rappelles de lui constamment dans ton cœur. Que ton cœur ne soit pas distrait, que ton cœur ne soit pas insouciant, mais qu'il soit sans cesse attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh rahimahullah, il a dit en explication: هذه منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. Il dit: ceci est un noble degré. L'homme en a besoin, ou il en a plutôt la nécessité, au-dessus de tout autre besoin. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus besoin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toute chose. Il dit ensuite, rahimahullah, فَذِكْرُ اللَّهِ وَعِمَارَةُ الْأَوْقَاتِ وَبِهِ تَزُولُ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْكُدُورَاتِ وَبِهِ تَحْصَلُ الْأَفْرَاحِ وَالْمَسَرَّاتِ. Il dit, le rappel d'Allah est ce qui rend profitable chaque moment. C'est-à-dire, si que à chaque moment, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, ton moment, il deviendra quoi? Il deviendra profitable pour toi ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Le rappel d'Allah, il dissipe les soucis, il dissipe les tristesses et les chagrins, et il procure joie et réjouissance. Le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, également, il dit, rahimahullah, وَعِمَارَةُ الْقُلُوبِ الْمُغْفِرَاتِ كَمَا أَنَّهُ غِرَاسُ الْجَنَّاتِ. Il dit, rahimahullah, le rappel d'Allah, il occupe les cœurs solitaires, c'est-à-dire celui qui est seul, mais qui se rappelle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en réalité, il ne sera pas dans la solitude, car il sait qu'il a sans cesse son créateur avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et il est la plantation des jardins du paradis. Pourquoi il a appelé le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la plantation des jardins du paradis? Il a dit cela faisant référence à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « قُلْ » يعني dit, « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, yughrasu laka, bikulli wahidatin minha, shajaratun fil jannah. » Donc il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur ordonnait de dire, « Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, on te plantera pour chacune d'entre elles un arbre au paradis. » C'est pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a dit, c'est la plantation des jardins du paradis. Le fait de faire le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mousilun ila a'la al-maqamat. Et il te mène vers les plus hauts rangs et les plus hauts degrés. Wa fihi min al-fawa'id ma la yuhsa, wa min al-fadahil ma la yu'addu, wa la yanqadhi. Il dit, il y a dans le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des mérites et des bénéfices qui ne peuvent être dénombrés et recensés. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans son noble livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, thkuru allaha dhikran kathira. » Ô vous qui croyez, rappelez-vous Allah de façon abondante. C'est-à-dire, multipliez le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dans son tafsir, il a mentionné au sujet de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de l'évoquer de façon abondante en faisant le tahlil, en disant « La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar » et autres parmi les formules d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et il a ordonné toute parole qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire entre dans cela également le commandement du bien, l'interdiction du mal, le fait de réciter le Coran, d'enseigner la science, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, il convient que l'homme, il occupe son temps par le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, en toute situation. Car ceci va le mener à quoi? Le fait de se rappeler Allah, subhanahu wa ta'ala, constamment, cela va le mener à aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. Plus il va se rappeler d'Allah, plus son amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, va augmenter. Et inversement, moins la personne se rappelle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus son cœur se distrait et devient insouciant, plus il s'éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc le dhikr, également, c'est une manière de t'écarter des choses que réprouve Allah, subhanahu wa ta'ala. Car si tu es occupé par le rappel d'Allah, si ta langue est humidifiée par le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors elle ne sera pas occupée par les choses illicite ou futile, comme le mensonge, la calomnie, la médisance, ou encore les paroles qui n'ont aucune utilité ni pour ta vie d'ici-bas, ni pour ton au-delà. Donc lorsque tu occupes ta langue par le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en plus de te rapprocher d'Allah par ses bonnes actions, tu te préserves des péchés et des mauvaises actions, et également tu te préserves de la perte de temps. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il a mentionné dans le tafsir du verset que l'on a cité, « Ya ayyuha alladhina amanu thkurullaha dhikran kathira » il a dit, rahimahullah, « Ja'ala dhalika duna haddin li suhulatihi ala al-abdi wa li'idhamil ajri fihi » il a dit, il a ordonné cela sans limite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, évoquer Allah de manière abondante. Il n'a pas donné une limite, 5 fois par jour, 10 fois par jour, 20 fois par jour, non. De façon abondante. Pourquoi? Car ceci est simple pour le serviteur. C'est facile en réalité de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire du dhikr. Et il dit ensuite, et également car il y a en cela des récompenses immenses. Et ensuite il a mentionné une parole qu'on rapporte d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit, nul n'est excusé pour le délaissement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui a perdu la raison. Il n'y a que celui qui a perdu la raison qui est excusé pour le délaissement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui a sa raison, Il n'a aucune excuse. Il lui incombe de se rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, d'après Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » L'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et de celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur est-elle l'exemple du mort et du vivant. C'est-à-dire celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rappelle d'Allah, c'est lui qui en vit, c'est lui qui profite de la vraie vie. Quant à celui dont le cœur est distrait, dont le cœur est insouciant, qui ne se rappelle pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, il est semblable au mort, wallahu al-musta'an. Donc, le croyant, celui qui souhaite profiter réellement de sa vie, et celui qui souhaite concrétiser les caractéristiques des vrais croyants, il se doit de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'opposant ainsi à la situation des hypocrites qui, eux, n'évoquent Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila salati qamu kusala, yura'un annas wa la yathkurun Allah illa qalila. » Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Donc, chacun d'entre nous doit se remettre en question et regarder quel est le temps qu'il consacre dans ses journées au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lutter contre sa personne afin de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'évoquer de façon abondante comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, « وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِرَجُلٍ قَالْ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَوْسِنِي » Un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, « Les préceptes de l'islam sont devenus nombreux pour moi. Alors conseille-moi. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ » Que ta langue ne cesse d'être humide par le rappel d'Allah. C'est-à-dire évoque Allah constamment. Si tu n'arrives pas à multiplier le jeûne, à multiplier les prières surérogatoires, à donner beaucoup d'aumônes que tu n'en as pas les moyens, alors que ta langue, elle ne cesse d'être humide par le rappel d'Allah. Une action simple qui est accessible à l'ensemble d'entre nous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith que l'auteur, rahimahullah, a mentionné, « Sabaqa al-mufarridun, qalu wa mal mufarridun » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Al-mufarridun » que l'on pourrait traduire par les solitaires, ont certes pris de l'avance. Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils lui ont dit, « Qui sont les mufarridun au messager d'Allah ?»« Qui sont les solitaires ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « قال, الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » Ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah. Ils ont pris de l'avance par le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris de l'avance sur autre que, car ils se rappellent fréquemment Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont mentionné que pour faire partie de ceux qui évoquent fréquemment Allah subhanahu wa ta'ala, il convient au minimum d'accomplir les formules d'évocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré aux différents moments de la journée. En commençant par les adhkar légiférés au moment du réveil, puis les adhkar après chaque prière obligatoire, les adhkar du matin, lorsque tu rentres chez toi, que tu sors de chez toi, et ainsi de suite, avant de manger, après manger, etc. Si tu es assidu dans ces adhkar, dans ces formules d'évocation, tu feras alors partie, inshallah ta'ala, de ces solitaires qui ont certes pris de l'avance et qui évoquent beaucoup Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh, rahimahullah, il a cité un autre de ses poèmes qu'il a écrit au sujet du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais par manque de temps, on ne va pas pouvoir le lire ni faire des annotations dessus. Vous pouvez revenir directement au livre pour profiter des bénéfices qu'il a mentionnés dans ce poème. Ensuite, il dit, rahimahullah, « يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْمَلِيكِ بِفِعْلِهِمْ طَاعَاتِهِ وَالتَّرْكِ لِلْعِصْيَانِ » Il se rapproche du souverain, c'est-à-dire d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par leur accomplissement de ses obéissances, c'est-à-dire les actes d'obéissance, et la désobéissance délaissant. C'est-à-dire qu'il délaisse la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il fait partie des caractéristiques de ceux qui cheminent vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont assidus dans l'obéissance à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des plus grandes causes de bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà. En effet, il n'est pas possible pour la personne de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est en se soumettant à lui, en lui obéissant, en accomplissant ce qu'il a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit parmi les péchés et les désobéissances. Et si tu médites sur cela, sur ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans ce vers, tu verras que c'est la réalité de la taqwa. En réalité, il a fait ici allusion à la taqwa. Car, quelle est la définition de la taqwa? La taqwa, les savants, ils l'ont définie comme étant « fi'alu ma amara Allahu bi wa tarku ma naha anhu ». Le fait de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc on retrouve le sens de ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici. Donc, il fait partie des étapes importantes dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu concrétises quoi? Que tu concrétises la taqwa, la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en te soumettant à tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, « Ta'amal bita'ati Allahi subhanahu wa ta'ala, ala nourin min Allah. » Tu œuvres dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'une lumière venant d'Allah. Quelle est cette lumière? C'est la science. Car celui qui n'a pas de science, il ne peut pas œuvrer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment va-t-il savoir ce qu'Allah lui a ordonné et ce qu'Allah lui a interdit s'il n'a pas étudié au préalable? La science religieuse est ce qui incombe à chacun d'entre nous. Donc il dit « Ta'amal bita'atillah, ala nourin min Allah, tarju thawab Allah » et tu espères la récompense d'Allah. C'est-à-dire que lorsque tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, tu fais cela en espérant sa récompense. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « وَتَتْرُكُ مَعَاسِيَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ » Et tu délaisses la désobéissance à Allah d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire que tu apprends ce qui t'est interdit et tu crains le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit donc que les différentes étapes du cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, elles se rejoignent. Regardez ce qu'on retrouve dans la définition de la taqwa qu'a donné Talq ibn Habib. On retrouve la peur et l'espoir. L'espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui veut faire partie des muttaqin, des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a préparé un paradis aussi large que les cieux et la terre. Celui-ci alors, il doit s'empresser de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et ce, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ard u'iddat liman u'iddat lil-muttaqin. » Empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre. Le paradis, il est large comme les cieux et la terre. Certains savants du tafsir ont dit « Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici de sa largeur, alors que dire de sa longueur ?» Donc il dit que ce paradis large comme les cieux et la terre, il a été préparé pour qui? Il a été préparé pour les pieux, pour les muttaqin, ceux qui se soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit en annotation de ce vers: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وفعل طاعته لا سيما الفرائض. Il dit ces œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui mènent à lui, ce sont l'accomplissement de son obéissance, c'est-à-dire que tu œuvres dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit et surtout les œuvres obligatoires, car parmi l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certaines choses qui sont obligatoires et d'autres qui sont surrogatoires, comme on va le voir à travers le hadith qu'il a cité rahimahullah ta'ala. Il dit « wa tarku ma'asi » et de délaisser les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. « Kama fil hadith il qudasi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. » Il dit « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi. » Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit cela dans le hadith divin, le hadith qudasi. « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une œuvre que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit. » C'est-à-dire les œuvres obligatoires. Les cinq prières, la zakat obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, et ainsi de suite parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires pour les serviteurs. Ensuite, il dit, « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » C'est-à-dire qu'en plus de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et lui a commandé parmi les œuvres obligatoires, il multiplie en plus de cela les œuvres surérogatoires et il obtient ainsi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, « Falihada qultu ». Il dit, c'est pour cela que j'ai dit, c'est-à-dire dans le vers suivant. « Fi'alul fara'idi wa nawafili da'buhum ma'a ru'yati taqsiri wa nuqsani. » Accomplir les obligations et les œuvres surérogatoires et leur habitude, c'est-à-dire à ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplir les obligations et les œuvres surérogatoires, tout en voyant dans leurs œuvres le manque et la déficience. C'est-à-dire qu'il fait partie de leur désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont assidus dans les œuvres obligatoires et qu'en plus de cela, ils font de nombreux efforts dans l'accomplissement des œuvres surérogatoires. Et malgré cela, leur cœur, ils sont emplis de crainte. Ils se remettent sans cesse en question. Et ils se considèrent comme négligents vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la réalité des serviteurs pieux qui cheminent vers Allah et ont concrétisé la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre à leur sujet, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leurs cœurs sont pleins de crainte. Ils donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire, ils accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Ils se soumettent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils accomplissent les prières obligatoires. Ils les font suivre de prières surérogatoires. Ils donnent la zakat obligatoire et donnent des aumônes. Ils font le jeûne du mois de Ramadan. Et ainsi de suite, parmi les œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnent ce qu'ils donnent. Ils en font autant qu'ils peuvent. Et malgré cela, leurs cœurs sont pleins de crainte. C'est-à-dire qu'ils ont peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ces œuvres d'eux. Ils ont peur que leurs œuvres soient rejetées à la pensée qu'ils doivent retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsqu'ils œuvrent pour Allah, qu'ils accomplissent ses obligations et les font suivre d'œuvres surérogatoires, ils pensent au moment où ils vont se retrouver, au jour de la résurrection, devant Allah subhanahu wa ta'ala et que leurs œuvres, elles vont être jugées. Et ils ont peur qu'à ce moment-là, leurs œuvres, elles soient rejetées et qu'elles ne le sauvent pas du châtiment du feu de l'enfer. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit dans le tafsir de ce verset que Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de ce verset. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leurs cœurs sont pleins de crainte à l'idée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Elle lui a dit, radiyallahu ta'ala anha, est-ce que ce verset concerne celui qui vole, qui commet le péché de la fornication, qui boit de l'alcool, mais qui a peur d'Allah. C'est-à-dire qui fait ses péchés, mais qui a peur d'Allah malgré tout. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit non au fidèle Siddiq, c'est-à-dire Abu Bakr, radiyallahu anhu. Non au fidèle Abu Bakr. Cependant, il concerne celui qui prie, qui jeûne, qui donne des aumônes, mais qui a peur que ceci ne soit pas accepté de lui. Subhanallah. Il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sans cesse dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, il a peur que ceci ne soit pas accepté de lui et son cœur est empli de crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de ceux qui passent leur journée dans la négligence, qui ne se soumettent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui passent leur journée dans la désobéissance et les péchés, wallah al-musta'an. Malgré cela, ces serviteurs pieux, cette peur qu'ils éprouvent à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne les amène pas à délaisser les œuvres, mais au contraire, elle les encourage à persister dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a certaines personnes, la peur, elle les amène à être négligents dans leurs œuvres. Il dit, je ne suis pas assez pieux pour faire ceci ou cela. Et il délaisse certaines œuvres. Comme on entend certaines personnes, par exemple, ne pas venir à la mosquée sous prétexte qu'ils font tel ou tel péché. C'est-à-dire qu'ils ont une peur d'Allah qui les mène à quoi ? À délaisser les œuvres pieuses. Et ceci est une erreur. Le serviteur pieux, il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, sa peur qu'il a d'Allah, sa peur de voir ses œuvres rejetées, elle le pousse à quoi ? À multiplier les œuvres pieuses, en rajouter en espérant en faire certaines qui seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset qui suit? Il dit Ulaika yusari'una fil khayrat. Ceux-là s'empressent vers les bonnes actions, wa hum laha sabiqun, et sont les premiers à les accomplir. C'est-à-dire le fait qu'ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela les mène à quoi? Ça les mène à s'empresser, à œuvrer dans le bien et à être les premiers à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shir, il dit, rahimahullah, en commentaire de cela, « Hada huwa al-kamal », ceci est la perfection. « Wa huwa an yajtahida fi ada'il fara'id wal-ikthar min al-nawafil ». C'est qu'il fasse des efforts, qu'il soit assidu dans l'accomplissement des œuvres obligatoires et qu'il multiplie les œuvres surérogatoires. Malgré cela, il dit « وَيَرَ نَفْسَهُ مُقَصِّرًا مُفَرِّطًا فَاجْتِهَادُهُ فِي الْأَعْمَالِ يَنْفِي عَنْهُ الْكَسَلِ وَرُؤْيَةُ تَقْصِيرِهِ يَنْفِي عَنْهُ الْعُجْبِ الَّذِي يُبْطِلُ الْأَعْمَالِ وَيُفْسِدُهَا » Naam, il dit tout en voyant sa propre personne négligente et défaillante. C'est-à-dire qu'il est assidu dans l'accomplissement des obligations. Il multiplie les œuvres surrogatoires, mais il voit sa personne négligente et défaillante. Il ressent qu'il n'en fait pas assez. Il dit ses efforts dans les œuvres éloignent ainsi de lui la paresse. Le fait qu'il multiplie des efforts, ça l'éloigne de la paresse. Comme certaines personnes qui sont paresseux et ne multiplient pas les œuvres d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit et la vision de ses manquements. Malgré qu'il fait tous ses efforts, le fait qu'il se considère comme déficient, qu'il voit qu'il n'en fait pas assez, ça éloigne de lui la vanité. Car la vanité, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit le cheikh, qui rend vaines les œuvres et les corrompt. Donc le fait qu'il se sente déficient et qu'il se sente manquant, qu'il voit qu'il n'en fait pas assez, ça éloigne de lui ce méfait, le méfait de la vanité. Comme l'ont dit les gens de science, celui qui fait une bonne action et qui s'enorgueillit de cette bonne action, il se peut que cette bonne action qu'il a faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça soit la cause de sa perdition. Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, un des tabi'i, un des disciples d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, il a dit une phrase très pertinente à ce sujet. Il a dit « Inna ar-rajul la yadkhul an-nar bil hasanati yusibuha » Un homme peut rentrer au feu à cause d'une bonne action qu'il a faite. Ensuite, il a dit « Wa inna ar-rajul la yadkhul al-jannah bi sayyi'ati yusibuha » Et l'homme, il peut entrer au paradis à cause d'un péché qu'il a commis. Comment ceci est possible? Ceci est possible car un homme va faire une bonne action, mais il va être pris de vanité et d'orgueil quant au fait qu'il a accompli cette bonne action. Et il va oublier ses péchés. Il va se lever la nuit pour prier. Il va être toujours au premier rang à la mosquée. Et il va être pris d'orgueil. Et il va oublier qu'il commet beaucoup de péchés aussi. Certes, il a fait ses bonnes actions, mais il commet aussi des péchés comme les autres serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, cette bonne action, elle va être la cause de son avilissement et de son entrée en enfer, wal'ayadu billah. Alors qu'en parallèle, il se peut qu'un homme, il commette un péché. Et que ce péché, elle suscite en lui une crainte immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette crainte d'Allah, elle va le mener à quoi? À se rapprocher d'Allah, à se repentir et à multiplier les œuvres de bien afin de se faire pardonner le péché. Donc ceci nous montre, mes frères, l'importance d'être soucieux de ce qu'il y a dans nos cœurs comme sentiment et comme ressenti. En effet, la personne, elle peut faire une bonne action et à cause de ce qu'il y a dans son cœur, cette bonne action, elle est annulée. Elle est la cause de sa perdition. Alors qu'en parallèle, une personne, elle peut faire une bonne action, mais grâce à la pureté de son cœur, cette pureté qu'il y a dans son cœur, cela va être la cause de quoi? De son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc l'importance de la purification des cœurs. Ensuite, il dit le cheikh rahimahullah, « Sabar un-nufus ala al-makarihi kulliha, shawqan ila ma fihi min ihsani » Face à tous les désagréments, ils enjoignent à leurs âmes la patience, désirant ce qu'il y a en cela comme bienfaisance. Donc cette étape et celles qui viennent après, ce sont les étapes de la patience et l'endurance dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des plus hautes et des plus importantes étapes dans ton cheminement. Car nombreux sont ceux qui arrivent à emprunter le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nombreux également sont ceux qui ne patientent pas sur ce chemin et sortent de ce chemin au cours de leur vie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la droiture. Ensuite, il dit, rahimahullah, en commentaire de cela, « As-sabru wa habsu an-nafs ala ma yakrahu al-insan idha kana fihi ridha ar-rahman » Il dit, la patience, c'est la retenue de l'âme face à ce que réprouve la personne s'il y a en cela l'agrément du tout miséricordieux. C'est-à-dire que si une chose, tu la réprouves, mais que cette chose, elle te permet d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas patienter sur celle-ci. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالصَّبْرُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامُ et la patience, elle est de trois catégories. صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا. La patience dans l'obéissance, jusqu'à l'accomplir. C'est-à-dire que la personne, elle patiente dans l'accomplissement de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, afin de l'accomplir de la meilleure manière, en complétant ses conditions, ses piliers, ses obligations, et même ses actes recommandés. Et également, elle ne patiente pas seulement sur le fait d'accomplir l'adoration, mais elle patiente également sur le fait de persévérer dans l'adoration. Car comme on a dit, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts dans les adorations, qui multiplient les actes obligatoires et surérogatoires durant un certain moment de leur vie. Puis après cela, tu le vois délaisser tout ou une partie, et ce à cause de la paresse, ou à cause de l'amour de ce bas monde, ou du suivi de ses passions et des désirs qui l'écartent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois patienter dans l'obéissance à Allah afin de l'accomplir et afin de persévérer dans celle-ci. Et tu dois te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit ses serviteurs parmi les croyants comme étant constants dans son obéissance. Il dit subhanahu wa ta'ala, en parlant de ses serviteurs croyants, « الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ » ceux qui sont assidus à leur prière. Ils sont constants dans leur prière. C'est-à-dire qu'ils accomplissent leur prière en leur temps et ils remplissent les conditions nécessaires à cette prière. C'est-à-dire qu'ils l'accomplissent dans leur temps et de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Ils ne sont pas comme ceux qui ne font pas la prière. Ils ne sont pas comme ceux qui la font mais qui ne la font pas dans leur temps. Et ils ne sont pas comme ceux qui la font mais qui la font d'une manière déficiente. Comme ceux qui font leur prière en délaissant certains de ses piliers, certaines de ses obligations ou autre que cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit également à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ce que te vienne la mort. C'est-à-dire, persévère à tout moment dans les actes qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci, il n'y a pas de doute que ça demande de quoi ? Ça demande à la personne de la patience, de persévérer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit certaines personnes, parfois, ils s'imposent des charges supérieures à leur capacité. Par exemple, il va s'imposer de jeûner un jour sur deux alors qu'il n'en a pas les capacités. Il va faire cela durant un mois. Puis après, il va délaisser le jeûne surérogatoire complètement. Et ceci est une erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime de toi que tu sois persévérant dans l'adoration. Si tu n'as pas les capacités de jeûner un jour sur deux, tu peux jeûner par exemple chaque lundi et jeudi. Si tu n'as pas les capacités de jeûner le lundi et jeudi, tu peux jeûner 3 jours par mois. Si tu n'as pas les capacités de cela, tu te fixes un objectif sur lequel tu peux être constant sur celui-ci. Et petit à petit, tu rajouteras à cela. Et tu dois te rappeler à ce sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ahabbu al-a'mal ila Allah adwamuha wa in qall » les œuvres les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les œuvres les plus constantes, même si elles sont peu. C'est-à-dire même si tu jeûnes un jour par mois, mais que tu le fais constamment tout au long de ta vie. Ceci est préférable pour toi, plutôt que de jeûner un jour sur deux pendant un mois, puis après de délaisser totalement le jeûne surérogatoire. L'importance, c'est d'être constant dans les œuvres. Ensuite, il dit, rahimahullah, donc ceci est la première catégorie de patience. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَصَبْرٌ عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ حَتَّى يَتْرُكَهَا et la patience face à la désobéissance à Allah jusqu'à la délaisser. Et ceci est une chose importante et qui est difficile pour ceux à l'âme faible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Notamment à notre époque, à laquelle se sont propagés et diffusés toutes sortes de mal, de troubles, de tentations parmi les plaisirs éphémères de ce bas monde. Et le fait de tomber dans ces plaisirs et ces tentations, cela a été facilité aux gens, Allah musta'an. C'est-à-dire que faire les péchés, c'est devenu une chose facile. Les péchés sont à portée de main, surtout dans cette société dans laquelle nous sommes. Donc, le croyant qui souhaite cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'armer de patience afin de délaisser la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit s'en écarter avec peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le péché lui est facilité, c'est-à-dire qu'il est face à lui, et que son âme incitatrice au mal, elle l'appelle à commettre ce péché, il doit se rappeler du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit se rappeler également que ce péché ne lui procurera qu'un plaisir éphémère et qui ne va pas durer. Il va profiter de ce plaisir qu'un instant. Mais après cela, cela ne lui causera que remords, chagrin et tort dans l'au-delà s'il ne s'en repent pas. Il encourt le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ce péché. Également, lorsque la personne est face au péché, elle doit se rappeler qu'il ne sait pas à quel moment il va mourir. La mort, nul n'a connaissance de quand elle l'atteindra. Donc, tu dois penser à ce péché et te dire, est-ce que je souhaite rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant fait ce péché comme dernière œuvre? Il ne faut pas penser, mes frères, que la mort, c'est une chose lointaine. Elle peut venir à tout moment. Nombreux sont ceux que l'on entend qui sont morts d'une mort subite, sans raison apparente. Il est debout et d'un coup, son cœur s'arrête et il meurt. Donc, lorsque tu es tenté par le péché, tu dois penser à cette situation et te dire, est-ce que je souhaite que ce péché soit ma dernière œuvre? Est-ce que je souhaite rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa désobéissance? Et ceci va t'aider à t'écarter du péché et à patienter face à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, la troisième catégorie de patience, وَصَبْرٌ عَلَىٰ أَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤْلِمَةِ فَلَا يَتَسَفَّهُهَا. Il dit, la patience face aux décrets douloureux d'Allah afin de ne pas les décrier. C'est-à-dire que l'homme, dans ce bas monde, il est éprouvé par différentes sortes d'épreuves. Et ce, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue le véridique du menteur. Donc, la personne a besoin de patience et ne pas tomber lorsqu'elle est éprouvée dans ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens. Ceci sont différentes sortes d'épreuves qui peuvent toucher la personne. La peur, la faim, la diminution de biens et de personnes, ainsi que de fruits. Donc tout ceci sont différentes épreuves qui peuvent toucher la personne dans ce bas monde. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » et fais la bonne annonce aux endurants. Et quelle est cette bonne annonce qui est à faire aux endurants? La bonne annonce, c'est qu'ils recevront leurs récompenses sans compter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset « إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » Les patients, les endurants, recevront leurs récompenses sans compter. Donc, les épreuves, elles sont inévitables. Mais l'essentiel, c'est que tu saches comment te comporter face à l'épreuve. Il y a des gens face à l'épreuve, qu'est-ce qu'ils font? Ils se révoltent et se résignent contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il m'est arrivé cela? Je ne méritais pas cela. Lorsqu'il fait cela, il n'a pas été patient. Et ceci est interdit, il a pour cela un péché. Et son épreuve, elle ne fait que grandir. Il ne fait qu'aggraver son épreuve et qu'aggraver sa situation. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui patientent. Et ceci est obligatoire. Et la personne, elle est récompensée pour cela. Elle ne se plaint pas, elle retient sa langue et son cœur de toute forme de révolte à l'égard du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie, elle est supérieure à celle-ci, c'est celui qui agrée le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est recommandé. Et la plus haute catégorie, c'est quoi? C'est la personne qui est reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir été éprouvée. Et on va voir, incha'Allah ta'ala, ces étapes-là dans les vers qui suivent, dans la parole du Cheikh, rahimahullah. Ensuite, il dit, فَإِذَا كَسِلَتْ نَفْسُهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَثَّ عَلَيْهَا. Si son âme est paresseuse dans l'obéissance à Allah, c'est-à-dire l'âme de celui qui souhaite se rapprocher d'Allah et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est pris de paresse, qu'est-ce qu'il fait? Il encourage son âme à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَلْزَمَهَا وَرَغَّبَهَا هِيَّهَا بِثَوَابِهَا. Et il lui impose d'accomplir cette œuvre, c'est-à-dire il lui impose de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui fait désirer l'accomplissement de ses œuvres, comment? En pensant à la bonne rétribution qu'il y a de ses œuvres. Ensuite, il dit وَإِذَا اشْتَدَّتْ دَوَاعِ نَفْسِهِ إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَفَّهَا عَنْهَا وَحَذَّرَهَا وَبَالَهَا وَعَاقِبَةَ فِعَالِهَا فَالصَّبْرُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ. Il dit, et si son âme, elle l'appelle à la désobéissance, et que ces appels-là, ils s'intensifient, c'est-à-dire que cela devient de plus en plus dur pour lui, que son âme, elle l'appelle à faire le mal, alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'empêche de commettre le mal. Il la met en garde, c'est-à-dire qu'il se met en garde lui-même contre quoi? Contre les conséquences néfastes des péchés et le châtiment de celui qui commet ce péché. On voit donc que la patience, elle est nécessaire dans chaque affaire et à chaque moment de ta vie. Tu dois patienter en toutes choses, dans l'obéissance à Allah face à la désobéissance et patienter face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'étape suivante, c'est celle qui est au-dessus et qui est recommandée, c'est l'étape de l'agrément. Il dit, rahimahullah, nazalu bi manzilati ar-ridha fahum biha qad asbahu fi jannatin wa amani. Il dit, rahimahullah, de l'agrément, ils ont atteint le degré et se sont retrouvés sous sa protection en sérénité. C'est-à-dire, ils ont atteint le degré qui est au-dessus de la patience, c'est le degré de l'agrément. Et par le fait qu'ils ont atteint ce degré, ils se sont retrouvés comment ? Sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sérénité. Il dit, rahimahullah, manzilatu ar-ridha a'la min manzilati as-sabr. Le degré de l'agrément, il est plus élevé que le degré de la patience. Fa inna as-sabra habsu an-nafsi wa kaffuha 'ala ma taqra ma'a wujudi munaza'atin fiha. Il dit, la patience, c'est le fait de retenir son âme et la prévenir face à ce qu'elle réprouve tout en contestant cela en elle. C'est-à-dire que il est entre les deux. Lorsqu'il patiente, il réprouve la chose qui lui arrive, mais il ne manifeste rien, ni dans son cœur, aucune révolte vis-à-vis d'Allah, ni par sa langue, ni par ses membres. Il patiente en cela. Il dit « وَبِرْ رِضَى تَدْمَحِلُّ تِلْكَ الْمُنَازَعَ وَيَرْضَ عَنِ اللَّهِ رِضَى أَمُتْمَئِنِّنْ مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ بَلْ رُبَّمَا تَلَذَّذَ بِالْبَلَى كَتَلَذُّذِ غَيْرِهِ بِالرَّخَى. Il dit « Et par l'agrément, cette contestation, elle disparaît. » C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a plus aucune contestation. Mais il est satisfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Satisfait de ce qui lui arrive. Il est apaisé et heureux. C'est-à-dire qu'il est apaisé et heureux d'être dans cette situation. Il est satisfait de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a décrété. Il dit, rahimahullah, il se peut même qu'il savoure l'épreuve. De la même manière qu'autrui savoure l'aisance. C'est-à-dire qu'il prend plaisir à être éprouvé. Il agrée cela d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'il a la certitude que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété est meilleur pour lui que ce que son âme aurait aimé. Et ceci vient de la certitude de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que si Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété cette épreuve, c'est qu'il y a un bien dans celle-ci pour lui. Et il sait que ce que son âme aurait souhaité, c'est moins bien que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui. Donc il agrée, il savoure cette épreuve. Il est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. « Wa idha nazala al-abdu » بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه. Il dit, lorsque le serviteur atteint ce degré, sa vie elle devient alors agréable et ses yeux se réjouissent. ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. Il dit, c'est pour cela que l'agrément est appelé le paradis de ce bas monde et le repos des adorateurs. En effet, celui qui est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété, il est comme au paradis dans ce bas monde, car tout ce qui lui arrive, il considère ceci comme un bien, il en est satisfait. Et c'est un repos pour les adorateurs. Il n'aura plus de soucis, plus de chagrin. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il agrée et il est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Il dit ensuite, rahimahullah, وَمَنْ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Et celui qui est satisfait d'Allah, Allah sera satisfait de lui. وَمَنْ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ. Et celui qui agrée d'Allah la subsistance, aussi minime soit-elle, Allah subhanahu wa ta'ala agréera de lui son œuvre, aussi minime soit-elle. Il veut dire que celui qui agrée d'Allah, le peu qu'il lui donne, s'il lui donne peu dans ce bas monde, il est satisfait. Qu'Allah lui donne peu ou beaucoup, il est satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il sera satisfait de lui, quelles que soient ses œuvres, même si elles sont peu nombreuses. Et le sens de cela, de ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, est venu dans un hadith, mais l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a jugé ce hadith comme étant très faible. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَحَقِيقَةُ الرِّضَى تَلَقِّي أَحْكَامِ اللَّهِ الْأَمْرِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. Il dit, rahimahullah, la réalité de l'agrément, c'est d'accueillir les jugements d'Allah ordonnés religieusement. C'est-à-dire, tu patientes dans l'obéissance à Allah et face à la désobéissance à Allah. Tu te soumets à ses ordres et tu délaisses ses interdits. وَتَلَقِّي أَحْكَامِهِ الْقَوْنِيَّةِ الْقَدَرِيَّةِ بِنْشِرَاحِ صَدْرٍ وَسُرُورِ نَفْسٍ. Il dit, et également, tu accueilles les jugements d'Allah, universels prédestinés avec satisfaction et joie de l'âme, non avec répugnance et mépris. Donc ceci englobe les trois formes de patience. La patience dans l'obéissance, la patience face à la désobéissance, et la patience face au décret douloureux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, donc il va mentionner une étape qui est encore plus haut et plus éminente que le degré de l'agrément. Il dit, rahimahullah, شَكَرُ الَّذِي أَوْلَى الْخَلَائِقَ فَضْلَهُ بِالْقَلْبِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَرْكَانِ. Celui ayant comblé les créatures de sa grâce il remercie, c'est-à-dire qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les grâces dont il les a comblées, par le cœur, les paroles et les membres aussi. Le degré du remerciement, le degré de la reconnaissance, c'est le plus haut degré de la patience, au-dessus de l'agrément, au-dessus de ce que l'on vient de citer. C'est-à-dire que lorsque la personne elle va être éprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala, il va être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est rapporté de certains salafs, comme on l'a mentionné dans la conférence hier. L'un d'entre eux, il s'est fait amputer d'un membre et il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a laissé encore 3 membres. Il a perdu un de ses enfants, il a remercié Allah qui lui a laissé d'autres enfants. Donc il remercie Allah subhanahu wa ta'ala même dans l'épreuve. Et le remerciement, il a lieu par le cœur, par la langue et par le corps. Et le Cheikh rahimahullah, il a clarifié cela dans ses paroles que l'on va lire. Il dit « Al-shukru yakunu bil-qalb, wa huwa li'atiraf bi-ni'ami Allahi, wal-iqraru biha, wa adamu ru'yati nafsihi laha ahlan, bal hiya mahdhu fadli rabbihi subhanahu wa ta'ala. » Il dit le remerciement, il a lieu par le cœur. Et il consiste à reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en les approuvant et en ne se voyant pas digne de ceci. C'est-à-dire qu'il considère sa personne indigne d'avoir reçu tous ses bienfaits. Pourquoi ? Car il sait tous les manquements qu'il a vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il reconnaît que ce bienfait provient d'Allah et il reconnaît qu'en réalité, il ne mérite pas ce bienfait, mais que c'est simplement une pure grâce de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite « وَيَكُونُ بِاللِّسَانِ وَهُوَ الثَّنَاهُ عَلَى اللَّهِ بِهَا وَالتَّحَدُّثُ بِهَا » Et également, le remerciement, la reconnaissance, elle a lieu par la langue. Et c'est le fait de faire des éloges d'Allah, de le louer pour ses bienfaits et de les évoquer, c'est-à-dire de parler de ses bienfaits. Comme on a vu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Tu évoques le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Contrairement à la situation de certaines personnes qui sont sans cesse en train de se plaindre. Il se plaint de sa situation financière, il se plaint de sa situation physique, il se plaint de la situation de la société dans laquelle il vit. Sans cesse, il est en train de se plaindre. Tu n'écoutes sur sa langue que des plaintes, wal'iyadu billah. Alors que la personne, elle se doit d'être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala et d'évoquer sans cesse les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Et comme on l'a vu dans la conférence d'hier, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordés, ils ne peuvent être dénombrés. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيَكُونُ بِالْجَوَارِحِ وَهُوَ كَفُّهَا عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ وَلِسْتِعَانَ بِنِعَمِهِ عَلَى طَاعَتِهِ. Il dit, également, la reconnaissance, elle a lieu par les membres, c'est-à-dire par les membres du corps. Et ceci consiste à les faire renoncer aux désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu empêches tes membres d'œuvrer dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à céder de ses bienfaits, c'est-à-dire les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés, dans son obéissance. Tu utilises ses bienfaits en te soumettant à lui par son obéissance subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, فَإِنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا شَكَرَهُ عَلَيْهِ. Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une chose de ce bas monde, une chose parmi les biens de ce bas monde, il le remercie pour cela. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. وَإِنْ زَوَّ عَنْهُ شَيْئًا مِنْهَا شَكَرَهُ أَيْضًا. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le détourne d'une chose, il remercie également Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ رُبَّمَا كَانَتْ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ صَارِفَ مِنْهُ شَرًّا أَعْظَمُ مِنْهَا. Il dit, car il est possible que son bienfait envers lui éloigne de lui un mal plus grand que celle-ci. C'est-à-dire le bien de quel il l'a détourné. Il se peut que ça ait été une cause pour le détourner d'un mal qui était plus grand que le fait de perdre ce bienfait. وَإِنْ وَفَّقَهُ لِطَاعَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ رَهَ الْمِنَّةَ لِلَّهِ فِي تَوْفِيقِهِ لَهَا وَشَكَرَهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Il dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite l'accomplissement d'une obéissance, alors il voit la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui à travers sa réussite dans celle-ci. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite d'être assidu aux prières, lui facilite de jeûner, lui facilite ceci et cela, il voit que ceci est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui et il le remercie pour cela. Et il dit, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous implorons l'aide. Ensuite, il dit, rahimahullah, صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. Ils placent leur confiance en Allah dans chacune de leurs affaires, tout en prodiguant des efforts dans l'agrément du tout miséricordieux. Et ceci est une des étapes très importantes de celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'étape du tawakkul, l'étape de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a défini le tawakkul comme étant اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه. Il dit c'est le fait que le cœur s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir ce qui est profitable pour le serviteur dans sa religion et dans ses affaires mondaines. ودفع ما يضره في دينه ودنياه. Et également dans le fait de repousser ce qui est nuisible pour lui dans sa religion et dans ses affaires mondaines. Il dit ensuite ولا بد مع هذا الاعتماد min mubasharat al asbab. Et il est indispensable, en plus que tu t'en remettes à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu accomplisses les causes pour faire ce qui te profite et pour t'éloigner de ce qui est nuisible. On voit donc, à travers cela, à travers cette définition qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a donnée du tawakkul, que le tawakkul, il a trois conditions. Que le tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle a trois conditions. La première condition, c'est ma'rifatullahi azza wa jal. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinisation, connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs d'une connaissance authentique et correcte. Et plus le serviteur augmente dans sa connaissance de son seigneur subhanahu wa ta'ala, plus sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala elle va augmenter. Plus il connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala, plus il aura confiance en lui. Car la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va faire naître en toi quoi? La certitude. C'est-à-dire que tu seras à la yaqin, tu auras la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut te permettre d'accomplir cette chose, repousser de toi tel mal, et ainsi de suite. Et cette certitude, elle fait naître en toi quoi? At-tawakkul. Elle fera naître en toi la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car le tawakkul, en réalité, la confiance en Allah, c'est un des fruits et un des bénéfices de la certitude. Elle découle de la certitude. Car celui qui est dans le doute, qui ne sait pas si Allah subhanahu wa ta'ala peut le faciliter, qui lorsqu'il lit les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans le doute, celui-ci ne pourra pas placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car à la base, il n'a pas une bonne opinion de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la certitude, c'est quoi? C'est la force de la foi et la fermeté. Celui qui a une foi forte et qui est ferme dans sa religion, celui-ci, il aura la certitude et cela fera naître en lui le tawakkul. Ainsi, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et que toutes les affaires, qu'elles soient religieuses ou mondaines, elles sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, il va placer sa confiance en son Seigneur subhanahu wa ta'ala et il aura la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. La deuxième condition du tawakkul, c'est al-akhdhu bil-asbab. Le fait d'accomplir les causes. Et ceci est indispensable. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est parmi les serviteurs le meilleur en termes de confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, lorsqu'il faisait une chose, il en faisait les causes. Lorsqu'il voyageait, il prenait avec lui des provisions et une monture. Il faisait les causes afin d'atteindre son but. Et donc, le fait de faire les causes, ceci ne s'oppose pas à la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. La troisième condition, c'est le fait que tu t'en remettes à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à ces causes que tu as accomplies. Les causes, tu les accomplis, mais tu n'en tiens pas compte. Tu ne te reposes pas sur elles, car tu sais qu'il se peut qu'elles ne soient pas profitables, qu'elles ne soient pas bénéfiques, qu'elles ne soient pas concluantes. Mais tu sais que ceci est tout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu les accomplis, mais tu ne t'en remets pas à elles. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, c'est lui également qui a créé ces causes que tu as accomplies. Et c'est entre ses mains que se trouve la réalisation et la concrétisation de ce pourquoi tu as fait les causes. Comme on le voit dans le hadith de Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, qui a rapporté une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous décrit la réalité du tawakkul. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Lo annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulih » Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, La razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Il vous aurait donné votre subsistance de la même manière qu'il l'accorde à l'oiseau. Comment Allah subhanahu wa ta'ala accorde-t-il sa subsistance à l'oiseau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ta'du himasa wa taruhu bitana. Le matin, il sort de son nid, il vole, il est affamé. Et le soir, lorsqu'il retourne dans son nid, il est rassasié. Il a fait des causes. Il est sorti de son nid, il a volé. Il a cherché sa subsistance et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Donc il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance de la même manière qu'il l'accorde aux oiseaux. Et ce hadith, il a été rapporté par Al-Hakim, rahimahullah, dans le Mustadrak, et il a été jugé bon par les deux imams, Al-Wadi'i et Al-Albani, rahimahumallahu ta'ala. Et nous avons un excellent exemple à suivre en la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui plaçait sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme on le trouve dans le sahih de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, qui rapporte d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, au sujet de la parole, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Il dit, cette parole, elle a été prononcée par Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a été jeté dans le feu. C'est-à-dire, lorsque les polythéistes ont fait un immense feu afin de le jeter dans celui-ci. Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est mon meilleur garant. Il est le meilleur garant. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit au feu? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, sois fraîcheur et sérénité sur Ibrahim. Donc vous voyez la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'elle peut procurer aux serviteurs ici-bas. Il avait la certitude que son Seigneur n'allait pas l'abandonner. Ibn Abbas, il dit ensuite, radiyallahu ta'ala anhuma, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Il dit à Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a prononcé cette parole lorsqu'on leur a dit les gens se sont rassemblés contre vous. C'est-à-dire que les gens se sont rassemblés contre le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons afin de les combattre. Et ils leur ont dit craignez-les. Cela a accru leur foi, cela a fait augmenter leur foi et ils ont dit Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Pourquoi? Car ils avaient une pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas les abandonner, qu'il leur a promis la victoire, qu'il leur a promis la diffusion et la propagation de cette religion. Donc ils avaient confiance en Allah, ils ont dit Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Même s'ils se réunissent, ils savent qu'ils ont avec eux le créateur des cieux et de la terre. Et d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage au retour d'une expédition, ils ont fait une halte et ils se sont reposés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se reposait à l'ombre d'un arbre et il avait accroché à celui-ci son épée. Il a accroché son épée à cet arbre. Il s'est endormi. Ensuite, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appeler. Alors ils sont venus à lui et ils ont trouvé auprès de lui un bédouin qui était assis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui-ci, il a pris mon épée alors que je dormais. Je me suis alors réveillé et je l'ai vu avec son épée dressée au-dessus de moi. Il a pris l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dressée au-dessus de lui et il lui a dit Man yamna'uka minni. C'est-à-dire, qui peut m'empêcher de te tuer et de t'atteindre maintenant avec l'épée? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Vous imaginez, il est avec l'arme, l'oeuvre au-dessus de lui, il est couché, il est en train de dormir, il vient de se réveiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, en ayant la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, Allah. Alors le bédouin, il a fait tomber l'épée. Elle est tombée de sa main. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite récupéré l'épée et le bédouin s'est assis et il était devant lui. Donc vous voyez, la forte confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas eu peur malgré qu'il l'a vu avec l'épée dressée contre lui. Également, on peut mentionner à ce sujet, au sujet de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce que rapporte Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré avec Abu Bakr, qu'ils sont quittés la Mecque pour Médine, et qu'ils étaient dans la grotte, et qu'ils voyaient de la grotte les pieds des associateurs, les pieds des polythéistes qui étaient à leur recherche. Abu Bakr dit, je regardais les pieds des polythéistes au niveau de notre tête alors que nous étions dans la grotte. Alors il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux regarde ses pieds, alors il nous verra. C'est-à-dire qu'ils avaient juste à baisser le regard pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de ceux qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit cette parole, ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Oh Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont le troisième d'entre eux est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire qu'il avait une pleine confiance en Allah. Allah lui a ordonné d'émigrer. Il lui a dit de partir à ce moment-là, alors ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait le secourir. Donc vous voyez que les prophètes, alayhi salatu wa salam, ils plaçaient pleinement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les ennemis étaient tous réunis contre eux, ils faisaient les causes afin de se sauver et ils plaçaient leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait les sauver. Et on peut mentionner également à ce sujet l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de partir avec les enfants d'Israël, ils ont quitté la terre de Pharaon et se sont enfuis. Alors Pharaon les a poursuivis avec son armée. Il les poursuivait, ils étaient derrière eux jusqu'à ce qu'ils arrivent face à la mer. Et que Moussa alayhi salam, il n'est plus aucune issue. Alors les enfants d'Israël, ils ont vu Pharaon avec son armée arriver et se rapprocher d'eux. Alors ils ont dit, ils vont certes nous rattraper. Et qu'est-ce qu'a dit Moussa alayhi salam? Kalla, inna ma'aya rabbi sayahdin. Non, j'ai avec moi mon Seigneur, il va me guider. La pleine certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Que si Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire cela, alors il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le secourir et ne va pas l'abandonner. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de quitter cette terre et de partir, alors Allah il va le secourir, il ne va pas laisser tomber. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ensuite? Frappe avec ton bâton la mer et la mer elle s'est fendue en deux. Et Moussa alayhi salam, il a traversé la mer avec les enfants d'Israël et Pharaon a été noyé, lui et son armée. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala. On lira l'explication que le cheikh rahimahullah a donnée au sujet du tawakkul dans l'assise de demain. بإذن الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا